La particule ma, elle est utilisée pour quoi? Pour une chose qui ne résonne pas. Ma hada, quand je dis ma hada ya Wahbi, qu'est-ce que j'attends? Une chose à aql ou ghira aql? Ghira aql. C'est-à-dire, ce serait faux de dire quoi? Ma hada, hada, waladun. T'es avec moi, Bilal? C'est compris ça? Taïb. Est-ce que le fait d'avoir fait rentrer ma hada, Bilal, est-ce que ça change le travail de hada? Naam, ça ne reste pas. Hein? T'as dit naam? Naam, c'est-à-dire oui. Pourquoi ça l'a changé? À quel niveau? Ça restera après. Ça l'a pas changé alors. Je t'ai demandé le fait que le ma s'y rentre dans hada. Est-ce que ça a changé le travail de hada? En tant qu'ismichallah. Ouais, en tant qu'ismichallah. Non, il reste comme il est. La chose est toujours quoi? Singulier, masculin et proche. C'est compris ça? Même si on a fait rentrer le ma, la chose sur laquelle on s'interroge, elle est toujours quoi? Mufrad, mudakar, lil qarib. Ma hada. Je dis pas ma hada et la chose est loin. Et je dis pas ma hada et la chose, par exemple, est proche et est féminin. C'est compris ça? Par exemple, je dis ma hada, je fais un signe vers une voiture, est-ce que c'est bon? Hein? Ma hadi. C'est bien compris ça? Voilà. Le fait qu'il soit proche. Le fait qu'il soit proche. Ouais. C'est pour le hada? Eh bien oui, c'est hada, ismichara. Comme tu as dit, la montagne, elle peut être loin, mais parfois. Je la vois, je peux dire hada. Ben non, c'est pas tout ce que tu vois est proche. La lune, elle est, tu la vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est grâce à Allah, les yeux peuvent voir loin. Hein, tu vois ce que je veux dire? Allah ybarik fik. Moi, si je te dis par exemple, tu me dis où il habite, un exemple. On serait, je sais pas moi, à la montagne, tu me dis elle est où la maison de Chiréhia. Je te dis, elle est là-bas. Moi, avec mes yeux, ils disent, il paraît, on peut voir au moins à 10 km. C'est pas proche. L'horizon de la mer, c'est à peu près à 10 bornes, c'est ça hein? Ils disent. Alors imagine-toi, Allah ybarik fik. Mais il reste une chose qui est très importante, c'est quoi? Allah ybarik fikoum, c'est quand on a dit hada, yusta'mal lil mufrad, mudhakkar, et mada lil qarib. C'est-à-dire singulier, masculin et proche. Quand on parle du masculin, c'est quoi? Masculin dans la langue arabe. Ça, c'est important ça. Vous comprenez? Faites attention de ne pas traduire un mot en français. Et vous pensez que c'est du masculin. Car il se peut qu'en arabe, c'est quoi? C'est du féminin. Qui peut nous donner un exemple? Hein? Annar. Comment? Annar. Annar. Ah, nar. Par exemple, en français, le feu, on dit quoi? On dit un feu ou un feu? Un feu. Et en arabe, on dit quoi? Hadi narun. Vous comprenez ça? Vous avez compris? C'est pour ça que ça, c'est très important. Quand on dit masculin singulier, c'est moi si je vous ai traduit ça, c'est pour vous comprendre quoi? L'utilisation du ism ishara. Mais il faut vous concentrer sur quoi? Sur le masculin singulier en langue arabe. Car il s'avère que de temps en temps, il y a des mots qui sont masculins en français, mais qui sont féminins en arabe. Ou l'inverse. Vous avez compris? Barakallah. Comment? Naam, hadi naam. T'as compris ça, Inch'Allah? Barakallah. Comment? Non, il n'y a pas, parce que c'est beaucoup. Par exemple, on dit quoi? Un mosquée ou une mosquée? Une mosquée. Et en arabe, on dit quoi? Hein? Abdika Mohamed? Hada masjidoun. Hada masjidoun. Alors qu'en français, c'est? Une mosquée. Une. Mais bon, vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, c'est très important de bien comprendre ça. Wahbi, c'est compris ça? Tout le monde a compris ça? Abdelhalim? Daoud? C'est compris, ça va? Taïb. Barakallahu fikoum. Comment on dit une maison? Comment on dit une maison? Hein? Là, une maison, tu dis pas elle. Parce que c'est indéfini. Baytoun. Et ça, Inch'Allah, on va le voir après demain. Hein? Une maison, c'est quoi? Si je vous dis, j'ai acheté une maison, vous la connaissez cette maison? Hein? Non. Mais si je vous dis, j'ai acheté la maison. C'est qu'entre moi et vous, il y a quoi? Il y a déjà, soit on l'a visité, soit elle est à vous. Vous avez compris la différence? Alors si on te dit par exemple, dis une maison, tu dis baytoun, tu dis pas al bayt. Comment on dit une chaise? Ursiyun. Un stylo? Palamoun. Une étoile? Najmoun. Mosquée? Masjidoun. Une porte? Babun. À voix haute, hein, pour que tout le monde puisse entendre. Un livre? profitable.